J'sais pas comment sauver le monde, et si je savais, j'suis pas sûr que je le ferais. J'ai pas grand chose à t'offrir, à part te dire qui je suis et ce que c'est. J'crois jamais ce qu'on me dit en premier, les mensonges circulent plus vite que le vrai. J'ai couru après le bonheur, sans prendre le temps de savoir ce que c'est. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Quand tu verras 2022, j'comprendrai qu'ils se mettent à pleurer. Ils disent que tout va s'effondrer, qu'on va y passer dans 3 degrés. J'pensais que la science allait nous sauver, mais j'ai de moins en moins confiance au progrès. J'sais même pas pourquoi j'pense à ça, j'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais. Que de la data pour les GAFA, bâtard, t'es rien d'autre qu'une donnée. J'ai quelques éclairs de génie, mais la plupart du temps j'suis teubé. J'connais que les mauvais alcools qui donnent l'alcool mauvais. J'avais peur d'avoir rien compris, maintenant j'ai peur qu'il y ait rien à comprendre. Piégé dans notre propre système, prisonnier dans une sauvegarde bloquante. J'viens de là où les darons ressemblent à Cole, le chien de la campagne normande. Ils aiment juste les bonnes affaires, tout ce qu'ils veulent c'est voir l'émission de la brocante. Maman m'a dit s'il y a des pauvres, c'est qu'ils ont mal travaillé à l'école. C'est pas de sa faute, sa mère racontait le même genre de merde à ses gosses. C'est pas de sa faute, sa mère, bref, faut qu'on brise ce putain de cercle. Il est vicieux ce putain de cercle, j'peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Aide-moi. Marche. Marche avec moi. Apprends-moi. Méga, méga, méga, méga. J'peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Soyons d'accord de pas toujours l'être. Traite-moi comme tu voudrais que je te traite. Réussir sans faire le bien, c'est perdre. Apprends-moi la franchise, me juge pas, j'aurais moins envie de mentir. On m'a dit sois fort, faut devenir un homme. Rappelle-moi que ma force c'est d'être sensible. Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à lui en donner un. Écarte-moi des mauvais chemins. Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne à trop vouloir devenir quelqu'un. Aide-moi à trouver l'équilibre. Grandir n'est jamais fini. Je sais mieux donner les conseils que les suivre. Un jour on va mourir, tous les autres on va vivre. Oublie le futur, c'était avant. Oublie le futur d'avant, c'est pas sûr qu'on soit dans. Apprends-moi le pardon, la patience. Faut qu'on soit meilleur que nos parents. Faut qu'on apprenne à désapprendre. J'veux pas croire que le temps est avant. Qu'on soit juste une valeur marchande avant. J'rêvais de quitter la France, fais rester. J'préfère qu'on la change. Mélange vieille et nouvelle croyance. Mélange humanisme à la science. Évidemment, c'est plus comme avant. Faut te faire une raison, c'est le concept du temps. Le monde est en mouvement, porte-moi dans le courant. Prends mon pouvoir, la tentation est trop grande. Prends mon ignorance. J'dois mettre un nom sur les choses pour les comprendre. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir une civilisation. Je peux pas faire tout seul, va falloir qu'on fasse ensemble. Tout se transforme, rien ne se perd. J'ai pas fait que des choses dont je suis fier. Je peux devenir meilleur, je peux pas revenir en arrière. J'étais tout seul, on est des milliers. Bientôt vous allez tous m'oublier. Désolé mais je vais devoir vous quitter. Dis-toi seulement qu'on a kiffé. Hier c'était hier, aujourd'hui j'efface ses têtes hein. J'ai changé pas ce que j'ai contre la jeunesse éternelle hein. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a.